Jack London, naissance d'un écrivain. He was a man and a friend always. He stuck with me in the hard old days. He never cared if I had no dough. We rambled round in the rain and snow. À l'âge de 19 ans, Jack London s'inscrit à l'université. Il a une soif éperdue de savoir et d'une vie plus élevée. Mais c'est aussi qu'il veut gagner l'amour de Mabel Applegart, une jeune femme de la haute société qui est devenue son professeur de grammaire et de savoir-vivre. J'ai terminé la moitié de ma première année à l'université et en janvier 97, à 21 ans, je m'inscrivis pour le premier trimestre. Mais je manquais toujours d'argent. Et j'acquis la conviction que l'université ne me donnerait pas ce que j'attendais d'elle en si peu de temps. Je la quittais donc et sans beaucoup de regrets. Pendant 2 années, j'avais étudié et surtout lu une quantité prodigieuse de livres. Ma grammaire s'était perfectionnée. J'ignorais, il est vrai, quand il faut dire « it is I » au lieu de « it is me », mais je n'écrivais plus une double négation dans une phrase. Pourtant, j'étais encore enclin à commettre cette faute dans le feu de mes discours. Pendant tout ce temps, il n'a cessé de fréquenter les Applegarth, de peaufiner son langage et ses manières auprès de Mabel. Dans ces moments-là, il se prenait pour un dieu et croyait déchiffrer le secret ultime de la vie dans la contemplation de son visage. Alors, conscient des hauteurs qu'il atteignait, il devina qu'il s'agissait d'amour et décréta que l'amour était la plus belle chose au monde. Dans les couloirs de ses souvenirs, il visita ses anciens frissons, ses anciennes brûlures. Le vertige du vin, la caresse des femmes, l'ivresse de la dépense physique et des corps à corps. Il les trouva futiles et misérables en comparaison de la sublime ardeur qu'il éprouvait à présent. Pour Mabel, la situation était plus confuse. Les expériences de cœur étaient nouvelles pour elle, qui n'avait vécu ces choses que dans les livres, où les faits les plus ordinaires sont transposés par l'imagination dans des mondes d'irréalité, et où le sexe, le désir, l'attirance des peaux n'étaient qu'évoqués et surtout pas exprimés. Elle ne comprenait pas que ce rude marin s'insinuait dans son cœur pour y engranger des bombes à retardement qui l'embraseraient un jour. De l'amour, elle n'imaginait pas les convulsions volcaniques, les incandescences dévastatrices, les déserts de cendres. Elle ne se doutait ni des forces qui sommeillaient en elle, ni de celles qui sous-tendaient le monde. L'affection conjugale de son père et de sa mère constituait à ses yeux l'idéal des affinités électives, et elle attendait avec confiance le jour où, sans heurts et sans douleurs, une inclinaison semblable la conduirait à partager l'existence de quelqu'un. Depuis leur première rencontre, Jack était pour elle un humain non identifié. Elle le regardait comme un individu d'une espèce étrange, différente de tout ce qu'elle avait connu dans son milieu. Et elle avait attribué à cette étrangeté et à l'attrait de la nouveauté son attirance pour lui. N'avait-elle pas déjà éprouvé ce même sentiment d'étrangeté devant les animaux sauvages du zoo, devant les spectacles d'une tempête ou l'éblouissant fracas d'un orage? Il y avait quelque chose de cosmique en lui. Il lui apportait l'air du large et des grands espaces. Le soleil des tropiques avait teinté son visage et dans ses muscles, palpitait la vigueur originelle de la vie. Il portait dans sa chair les cicatrices de ce monde mystérieux de l'action, peuplé d'hommes rudes, dont les territoires s'étendaient au-delà de tout horizon connu par elle. Il était sauvage et farouche, mais il venait manger dans sa main, et secrètement flattée de son pouvoir, elle était tentée d'apprivoiser la bête. C'était une tentation inconsciente, et plus inconscient encore était son désir de le remodeler, de façonner sa glaise à l'image de son père, car il ne pouvait y avoir de plus belle image que celle-là. Comment eût-elle su, dans son inexpérience, que cette sensation cosmique qu'il lui transmettait était le travail de l'amour, l'attraction universelle qui poussait les hommes et les femmes du monde entier à se rejoindre, et les éléments eux-mêmes à s'unir. Ces rapides progrès étaient pour elle une source de surprise et d'intérêt. Elle décela vite en lui des raffinements insoupçonnés qui semblaient s'épanouir jour après jour à son contact. Elle lut des poètes, des philosophes. Elle s'étonna toujours des singulières interprétations qu'il donnait à certains passages sujets à controverse. Parfois, l'apparente naïveté de ses conceptions faisait place à des fulgurances qui la stupéfiaient. Il volait si haut qu'elle ne pouvait le suivre et restait médusée par l'audace et la nouveauté de sa pensée. Alors elle se mettait au piano et le nourrissait d'une musique qui pénétrait jusqu'au plus profond de son âme. Il s'ouvrait à la musique comme une fleur au soleil. Des ragtime et des balmusettes aux morceaux classiques qu'elle lui jouait presque par cœur, la transition était rapide. Pourtant, il manifesta un penchant populaire pour Wagner, surtout pour l'ouverture de Tannhäuser dans laquelle il voyait une personnification de sa propre vie. Il reconnaissait son passé dans le thème de Venusberg, tandis qu'il identifiait Root à celui du cœur des pèlerins, et dans l'état d'exaltation où cela le mettait, il croyait embrasser d'un seul regard le vaste royaume d'ombre qu'était à ses yeux l'éternel champ de bataille du bien et du mal. Il était toujours en extase devant la divine et mélodieuse pureté de sa voix de soprano. Quel contraste avec les vocalises poussives et les stridences approximatives des ouvrières d'usine mal nourries et mal exercées et les vociférations rauques des goualeuses dans les villes portuaires. Root aimait chanter et jouer pour lui. Il résolut immédiatement de choisir une carrière. Quatre voies le tentaient, la musique, la poésie, les essais, que ce soit sur la philosophie, l'économie ou la politique, et bien évidemment le roman. Sans hésiter, je mis de côté la musique. C'était impossible. Je m'installai dans ma chambre et m'attaquai simultanément aux trois autres vocations. Grand Dieu, qu'est-ce que j'écrivais ? personne n'aurait pu échapper au dénouement fatal d'une fièvre créatrice comme la mienne. Pareil labeur aurait suffi à me ramollir le cerveau et m'envoyer dans un asile d'aliénés. J'écrivis de tout. Des essais indigestes, des nouvelles scientifiques et sociologiques, des poésies humoristiques, des vers de toutes sortes, des triolets au sonnet en passant par la tragédie en vers blanc. Parfois je pondais régulièrement 15 heures par jour. J'en oubliais de manger tant il me coûtait de m'arracher à cette verve débordante. Il écrit 15 heures par jour, car les London sont une fois encore en grande difficulté financière. Et avant de succomber au charme pesant d'un xième travail manuel, Jack écrit, puisque là est la vocation. Une fois les textes dactylographiés, il les envoie dans l'est des États-Unis à destination des grands journaux et magazines. Et puisqu'ils furent tous refusés, il vendit un dernier manteau et déposa au Mont-de-Piété ses livres. Lorsqu'il n'y eut plus un cent à la maison, la mort dans l'âme, London dut accepter une fois encore de vendre sa force et ses muscles à une entreprise. Il s'agissait cette fois d'une blanchisserie. Amidon, repassage, colle, poignet. Jack trie, Jack lave et Jack repasse. Après des semaines de 94 heures, il n'est capable le dimanche que de somnoler, lire les journaux et ne penser à rien. Il a toutefois le temps d'entretenir sa flamme et de faire des promenades à bicyclette avec Mabel Applegard. Il est dans une impasse, il le sait. Une fois de plus, la seule question essentielle qui vaille, l'assaille, le tarot de jour et nuit, à la blanchisserie et dans ses rêves les plus sombres. Quand sera-t-il l'écrivain qu'il a toujours voulu être ? Nous sommes en 1897. Jack a un peu plus de 21 ans et l'Amérique est en difficulté. On l'a vu, la crise économique date de 1994 et des millions d'hommes sont sur les routes et migrent d'un État à un autre à la recherche d'un travail. 30 ans avant les raisins de la colère, les émigrés européens qui ont afflué dans le pays tombent de haut. Et ils se demandent ce qu'ils sont venus faire dans cette terre promise qui ne tient aucune de ses promesses. Des hommes, des femmes errent en foule par les rues à la recherche d'un job, d'un toit, d'une pitance. Nul ne semble expliquer comment ce pays prometteur a pu en arriver là. Mauvaise gestion des réserves d'or et d'argent, monnaie mal contrôlée, concurrence sans frein des trusts qui dictent leurs lois. Tout cela ajouté n'a pu que se jouer au détriment des plus faibles. Comme à chaque fois qu'un libéralisme effréné et sauvage règne et qu'une crise ou des difficultés se profilent, les couperets tombent à toute vitesse sur les derniers de la chaîne, ceux qui ne doivent leur emploi qu'à un contrat provisoire et révocable à merci. Usine fermée, soupe populaire, fermier endetté, la pauvreté comme un cancer répand ses métastases dans chaque maison, chaque foyer, dans les corps et dans les âmes de toute une société. Alors, imaginons ce que représente dans un tel contexte la nouvelle que de l'or. L'or, métal magique de tout temps et de toute société. De l'or, dis-je, vient d'être trouvé dans le Grand Nord, aux sources du froid, près du cercle polaire, aux confins des fleuves Yukon et Klondike, sous des températures de moins 30 degrés. L'or et le froid, la glace et le métal jaune, la fortune au bout des doigts gelés. Ship sails in Seattle with a ton of gold. It's coming from the Klondike, so the story goes. Leave town in a heartbeat, disappear like ghosts. Leave our homes behind us, heading for the coast. Sailing into Skagway, can't believe my eyes. Near 10,000 miners, all searching for supplies. Heroes, fools, and dreamers, legends to behold. One way or another, they're gonna get the gold. On the trail of 98, the trail of 98. Gonna join the gold rush, hope it's not too late. On the trail of 98, leaving out of Dyea, summer sky is high. Gonna join the gold rush, least I'm gonna try. The mountains of the Chilkoot, like a fortress standing tall. Trudging to the summit, 2,000 pounds to haul. Made it up to sheep camp, soon I'll reach the scales. Man, it's up the golden stairs, toughest of the trail. up and down that summit. Don't lose your place in line. I feel my spirit breaking and my back's not far behind. On the trail of 98, the trail of 98. Gonna join the gold rush, hope it's not too late. On the trail of 98. Hear the wolves howling, the midnight sun grows dark, and somewhere in the shadows, the beating of a heart whose dreams of holding loved ones were lost upon this trail. Still we stagger onward as the wind begins to wail. What lies in the distance, only time can tell. There's winners and there's losers, so I wish you well. On this crazy journey to the fields of gold, guess in time we'll find out what the future holds. On the trail of 98, the trail of 98. Gonna join the gold rush, hope it's not too late. On the trail of 98, the trail of 98. Le 14 juillet 1897, une porte s'entrouve et l'espoir et la misère s'engouffrent dans la cale prometteuse d'un bateau, l'Excelsior, qui s'amarre ce jour-là sur un quai de San Francisco en provenance de l'Alaska. Les passagers qui en sortent exhibent des petits sacs de peau lourds dans la main, remplis d'or. Ils vont dans les banques, sont suivis, sommés de raconter c'est où, c'est comment. Tous avaient prospecté dans un même secteur, le Klondike, un endroit sauvage, inhospitalier, peu facile d'accès, à mi-chemin entre le Pacifique et l'océan polaire. Certains traînaient avec eux des sacs si lourds qu'il fallut réquisitionner le bus du Palace Hotel afin de les transporter en ville. Le télégraphe répandit la bonne nouvelle comme s'il s'agissait d'annoncer une liste de numéros gagnants, connus d'avance, de la loterie nationale. Quelques jours plus tard, les premiers partants étaient à pied d'œuvre. 1000, 10 000, plusieurs dizaines de milliers d'hommes se présentent au départ. La police montée surveille les embarcadères et refoule ceux qui n'avaient pas pris le soin de s'équiper. Manteaux doublés de fourrure, toques, bottes, chemises de flanelle, des couvertures, une tente, un poêle, des courroies, un palan, des outils pour construire les traîneaux et les barques, denrées alimentaires, en tout une tonne de matériel. C'est ce qu'achète Jack avec l'argent prêté par sa sœur Elisa, argent hypothéqué sur sa maison. Il prend le départ avec son beau-frère Shepard et embarque tous les deux le 12 mars 1897 sur l'Oumatilla. L'Oumatilla, le bateau qui, justement, avait ramené Jack au bercail un an auparavant lorsqu'il avait rejoint la Californie par Vancouver, de retour de son périple avec l'armée des prolétaires. Des employés de banque, des policiers, pompiers, professeurs, fermiers, médecins, pasteurs même, laissaient derrière eux famille, office, clientèle, why, pour tenter leur chance dans une expédition incertaine et risquée, et participer ainsi à ce que le monde entier appela la ruée vers l'or. Les malfrats, prostituées et parasites en tout genre se mêlèrent à la fête. Fête de courte durée et propre au voyage sur le bateau. Car une fois arrivé, tout ce monde rempli d'espoir et de rêves de pépites devait déchanter au vu de l'ampleur de la tâche, du froid et de l'hostilité des paysages. Durant les 12 mois qu'il allait passer là-bas, au-dessus du 60e degré de latitude nord, il ne devait pas seulement s'affronter à quelques coriaces ennemies comme le froid, la faim, la rapacité des concurrents et des tauliers, le scorbut pour finir en beauté, il allait surtout découvrir une étrangeté absolue, un lieu qui d'une certaine manière l'attendait, où la loi des hommes était encore soumise à l'énigmatique volonté du monde sauvage. moi-même que j'ai trouvé le sens de la vie. Avec leur charge énorme sur le dos, les hommes s'enfonçaient jusqu'à la taille dans les congères, franchissaient les torrents en abattant des arbres, côtoyaient des sommets, traversaient des glaciers effrayants. Quand après des efforts effroyables, ils atteignaient les lacs, il leur fallait abattre encore des arbres dont ils faisaient des bateaux ou des radeaux qui, surchargés et mal dirigés, devaient descendre de lac en lac par les rapides. Et là, pour le coup, c'était quitte ou double. Enfin, après des épreuves et des souffrances inouïes, à l'heure où la glace commençait à tout saisir, c'était l'arrivée au Klondike. Dans le Grand Nord, rien n'est simple. On est en avril et les candidats à la fortune doivent faire vite s'ils veulent arriver avant l'hiver et que les glaces ne les bloquent, rendant tout déplacement impossible. Il fallait traverser le lac Linderman, traverser des rapides et remonter le Yukon jusqu'à Dawson. Et là se trouvait à proximité de la rivière Klondike, la rivière miraculeuse qui contenait de l'or. Bateau, col, neige, froid, rapide, la conquête de l'or avait un côté éminemment chrétien et ce chemin de croix devait normalement trouver sa récompense. On rêvait de pépites, de paillettes. On orpaillait en songe et on se réveillait avec les membres engourdis par le gel, loin de tout, des villes et des familles. Beaucoup de bureaucrates qui n'avaient levé en tout et pour tout que des stylos dans leur vie baissèrent les bras lorsqu'il s'est agi de débiter les troncs qui serviraient à fabriquer les bateaux. Au fur et à mesure que l'on avançait vers le filon, les plus faibles se défilaient et ils repoussaient chemin. Cette ruée vers l'or dépassa en folie, en démesure, la précédente, celle de 1851. Cette fois, ils sont 100 000 à se diriger vers l'extrême nord-ouest du Canada, vers un point situé à 100 km au sud du cercle polaire et à 50 km à l'est de l'Alaska. Dans un endroit où la neige ne fond que fin mai et recommence à tomber à la mi-octobre, vers une ville qui ne figure sur aucune carte géographique, Dawson City. Pour mesurer à l'aune des siècles l'importance de l'événement, elle provoque la plus grande migration humaine depuis la 8e croisade menée par le roi de France, Saint-Louis, en 1270. C'était Jack London, Naissance d'un écrivain, par Yves Simon, avec les voix de Stéphanie Chevrier, Jean-Claude Dauphin et Bernard-Pierre Donadieu. Réalisation, Marie-France Nussbaum. Prise de son et mixage, Pierrick Charles et Cécile Dume. Équipe de réalisation pour le feuilleton, Philippe Baudouin, Bernard Laniel et Catel Guillou. Cette émission a été diffusée une première fois sur France Culture en août 2001. see. Juni ini hunan ningia. A chew kadana de. Mania anadeling. A chechi. Long juni anindia. So funk anindia. It's an air sea, it's soon.